je sortais tout droit du grand môle, avec mes airs d'adolescent. Je n'étais pourtant plus un môme depuis déjà longtemps. Tu me prenais pour un poète, le pauvre type de toujours. Les filles se payaient ma tête quand je parlais d'amour. Je vous ai bien lu. Je vous ai bien lu. Je disais souvent qu'Amérique, je sais que moi j'irai un jour et que j'en reviendrai plus riche que Dupont de Nemours. J'ai pris tous les avions du monde, dormi dans tous les trains de nuit, aimé dans des bordels immondes, des femmes aux cheveux gris. Je vous ai bien lu. Je vous ai bien lu. Je ne vous ressemblais pas, vous ne m'avez pas cru, mais je vous ai bien lu. Je vous ai bien lu. J'ai toujours dansé sur les vagues quand on croyait que je sombrais. Ma vie avait l'air d'une blague et pourtant c'était vrai. Je me suis fait des jours de fête, éclaté des fusées d'amour. Sauter ma tête à l'eau du dernier jour. Je vous ai bien lu. Je vous ai bien lu. Il y avait déjà longtemps que je ne m'aimais plus, mais je vous ai bien lu. Je vous ai bien lu.